Initieux et fort, mental de plomb, plaqué or. Une pour ceux enfermés, un feu balance dehors. Une pour ceux dans la zanie, loin de tous ces beaux décors. Dis-toi bien que sans amis, c'est mieux quand on est de bord. Dis-toi bien qu'au RMI, t'assumeras pas tes gosses. Dis-toi bien que la famille, ça vaut plus que tous tes potes. Dis-toi qu'elle sera maman, si tu la baisses en capote. Dis-toi que tes associés ne seront jamais tes potes. Plein d'amis, sur Facebook, mais dans la vie, ni que bon. Personne ne bouge, la venue sport, rien à foutre, tout le monde s'en moque. Non, comme au coffee shop, ou pété comme un troc. À l'échelle de plus la tique, H24 dans le trac. C'est ça mon gars, sûr que t'es dans mon cas. Génération L, génération R, car on se demande où on va. On se demande ce qu'on fout là, là. Où on interdit la casquette, c'est le foulard. Dis-toi bien qu'ici t'es présidé par un connard. Dis-toi bien que tes patrons sont les euros et les dollars. Dis-toi si tu marches pas droit, un jour ou l'autre tu seras dollar. Dis-toi bien que si je rappe, c'est parce qu'on est dans le même couloir. Dis-toi que tes soucis restent là, même si tu te mets à voir. Dis-toi bien qu'on vit la même, que l'on soit beurre blanc ou noir. Que l'on soit beurre blanc ou noir, c'est la merde, beurre blanc ou noir, c'est la haine. Dis-toi que je rappe gratuit, donc ici je fais pas le monde. Dis-toi que la bif fait pas le moine, autant que la bite ne fait pas l'âme. Dis-toi que si t'as trop fait le compte, ta benne elle sera lourde. Dis-toi qu'à ton jugement, elle va coûter cher ta bourre. Dis-toi que si tu te paries, faudra être sûr de l'amour. Dis-toi que si elle en bloque, faudra assumer d'être papa. Papa, maman ne t'aime plus, mais faut assurer la pension. Pension, pension, pension. Papa, je t'ai dit de pas faire le con. Papa, j'ai envie de prendre vacances. Papa, je t'aime, t'es mon exemple. Papa, pourquoi je t'ai pas vu depuis un an? Parce que maman n'a jamais écouté ce que je dis. Aujourd'hui, je le redis pour qu'on me prenne comme exemple. Pour que certains évitent les tribunaux, les flics. Je te le dis en rime, mais personne si c'est ta crise. Dis-toi bien qu'ici t'es présidé par un connard. Dis-toi bien que tes patrons sont les euros et les dollars. Dis-toi si tu marches pas droit, un jour ou l'autre tu seras tollard. Dis-toi bien que si je rappe, c'est parce qu'on est dans le même couloir. Dis-toi que tes soucis restent là, même si tu te mets à boire. Dis-toi bien qu'on vit la même, que l'on soit beurre blanc ou noir. Que l'on soit beurre blanc ou noir, c'est la merde. C'est la merde, beurre blanc ou noir. C'est la SSSS. Il faut garder espoir, garder espoir. Faut que t'encaisses, faut que t'encaisses, faut que t'encaisses. Dis-toi que si t'as des soucis, les trois quarts du monde vont s'en foutre. Dis-toi que pour 50 euros, t'auras qu'une pute ou deux trois courses. Mec, pour affronter la vie, faut une grosse paire de bourses. Faudra être prêt à se battre, car dans la vie, tout le monde se fout. Dis-toi que ce qui contre le monde, c'est ces euros que l'on veut tous. On a pas tous, qu'on attend tous, que l'on rêve tous, qu'on dépense tous. Dis-toi que si j'ai pris le mic, c'est pour te faire du bien. Dis-toi bien que tout ce que je dis, ce n'est pas pour rien. Dis-toi bien qu'ici t'es présidé par un connard. Dis-toi bien que tes patrons sont les euros et les dollars. Dis-toi si tu marches pas droit, un jour ou l'autre tu seras tollard. Dis-toi bien que si je rappe, c'est parce qu'on est dans le même couloir. Dis-toi que tes soucis restent là, même si tu te mets à voir. Dis-toi bien qu'on vit la même, que l'on soit beurre blanc ou noir. Que l'on soit beurre blanc ou noir, c'est la merde, c'est la merde. Beurre blanc ou noir, c'est la SSSS. Il faut garder espoir, garder espoir. Faut que t'encaisses, faut que t'encaisses, faut que t'encaisses.